J'aime mieux mettre mes diamants en gage, dit Hortense. Oh, ne va jamais là, Venceslas, c'est l'enfer. Hortense a raison, dit Venceslas en embrassant sa femme. Merci, mon ami, répondit la jeune femme au comble du bonheur. Vois-tu, Lisbeth, mon mari est un ange. Il ne joue pas, nous allons partout ensemble. Et s'il pouvait se mettre au travail, non, je serais trop heureuse. Pourquoi nous montrer chez la maîtresse de notre père, chez une femme qui le ruine et qui cause les chagrins dont se meurt notre héroïque maman? Mon enfant, la ruine de ton père ne vient pas de là. C'est sa cantatrice qui l'a ruinée. Puis ton mariage, répondit la cousine bête. Mon Dieu, Madame Marneffe lui est bien utile, va. Mais je ne dois rien dire. Tu défends tout le monde, chère bête. Hortense fut appelée au jardin par les cris de son enfant, et Lisbeth resta seule avec Venceslas. « Vous avez un ange pour femme, Venceslas, dit la cousine bête. Aimez-la bien, ne lui faites jamais de chagrin. » « Oui, je l'aime tant que je lui cache notre situation, répondit Venceslas. Mais à vous, Lisbeth, je puis vous en parler. Eh bien, en mettant les diamants de ma femme au Mont-de-Piété, nous ne serions pas plus avancés. Eh bien, empruntez à Madame Marneffe, dit Lisbeth. Décidez Hortense, Venceslas, à vous y laisser venir. Ou, ma foi, allez-y sans qu'elle s'en doute. C'est à quoi je pensais, répondit Venceslas, au moment où je refusais d'y aller pour ne pas affliger Hortense. Écoutez, Venceslas, je vous aime trop tous les deux pour ne pas vous prévenir du danger. Si vous venez là, tenez votre cœur à deux mains, car cette femme est un démon. Tout ce qui la voit l'adore. Elle est si vicieuse, si affriolante. Elle fascine comme un chef-d'œuvre. Empruntez-lui son argent et ne laissez pas votre âme en gage. Je ne me consolerai pas si ma cousine devait être trahie. La voici, s'écria Lisbeth. Ne disons plus rien, j'arrangerai votre affaire.